Il me l'a enfoncé tellement profondément que je la sens encore, même quand il n'est plus là. Je la sens en moi continuellement et je ne comprends pas pourquoi tu es encore là. Peut-être même que tu la sens toi aussi, là au bout de tes doigts, quand entre mes cuisses tu l'imagines rentrer et sortir ainsi, que tes doigts qui empruntent le même abysse. Oui, tu la sens, mais tu ne dis rien, tu la laisses te ronger comme un rocher creusé par la mer. Est son va-et-vient parce que tu crois m'aimer assez, parce que tu crois m'aimer assez fort pour me pardonner, parce que tu crois m'aimer assez fort pour me pardonner. Je t'ai menti, mais tu sais croire. Croire en ces mensonges entremêlés qui finissent par construire des vérités bien plus sombre, mais tu continues à boire. Tu auras toujours soif, encore d'idées, asséché par ces images infernales qui te trouvent, même si tu penses y échapper. Il est là en moi, regarde comme tu es minable. Parce que tu crois m'aimer assez fort pour me pardonner. Parce que tu crois m'aimer assez fort pour me pardonner. Il me l'a enfoncé tellement profondément que je la sens encore, même quand il n'est plus là. Tu la sens en moi continuellement et tu ne comprends pas pourquoi tu es encore là.